Chapitre 6e. Traqué. À table, le major Granville Barney fut encore plus brillant, plus étincelant et plus radieux. Il était assis auprès de Claribel Walsingham, et la tranquille et languissante maîtresse de Littlewood Park écoutait avec un intérêt inaccoutumé le bavardage incessant de l'officier aux cheveux d'or. Il lui raconta 100 anecdotes de la vie de l'Inde, anecdotes si vives, si nettes et si épigrammatiques, qu'elles aussi semblaient avoir un éclat à elles et être aussi brillantes et aussi étincelantes que le major lui-même. Comme toutes les personnes calmes et peu démonstratives, Claribel se laissait toujours fasciner par l'animation des autres. Elle l'écoutait et s'étonnait de tout ce que lui disait ce joyeux soldat, qui lui racontait sans désemparer une lutte terrible qui avait eu lieu dans le Punjab et une scène burlesque qui s'était passée dans un dîner à Calcutta. Elle soupirait ou regardait tour à tour le charmant major et le silencieux capitaine qui penchait tristement la tête et regardait vaguement le chiffre de l'aisselle gravé sur sa fourchette. « Si seulement Arthur était doué d'une semblable gaieté, » pensait-elle. Mrs. Varney parla peu. Elle avait déjà entendu les histoires du major, peut-être. Le capitaine ne fit aucun effort pour lier conversation avec sa belle voisine, mais il se rejeta sur le dos de sa chaise, l'air contraint et embarrassé, et laissant son verre de porto intact. Le soir, quand les dames furent assises au salon, et pendant que le major faisait à Mrs. Walsingham une description topographique de la cité des palais, le capitaine sortit par la fenêtre ouvrant sur la terrasse. Puis il traversa le jardin et la longue avenue qui conduisait à la grille. Le soleil s'était couché dans un ciel chargé de nuages et jetait des rayons rougeâtres qui disparaissaient lentement derrière les troncs des grands arbres. La chaleur était accablante et la lourde atmosphère avait ce calme sinistre qui est toujours le présage d'un orage. De grosses gouttes de pluie tombaient avec bruit sur les feuilles des chênes et çà et là sur la tête nue du capitaine. Mais il ne leva pas une seule fois les yeux et ne parut pas remarquer la pluie. « On est aussi seul ici que dans une forêt, » dit-il en jetant un regard inquiet autour de lui et en passant de l'avenue dans une partie du parc très boisée. Après avoir marché quelque temps, il arriva à un endroit où les grandes branches de hêtre formaient un couvert épais au-dessus de sa tête. De temps à autre, il avait jeté un regard du côté des fenêtres éclairées de la maison qui brillait sur le lac et se reflétait dans son eau tranquille, mais... Se retournant en ce moment, il vit que l'habitation était hors de vue, tant l'endroit où il se trouvait était caché par de magnifiques arbres centenaires. « À mi-chemin entre la maison et la grille, » dit-il, « et aussi loin de l'une que de l'autre. Il n'y a qu'un braconnier ou un homme qui va se tuer qui puisse venir ici. » Il s'arrêta sous l'un des grands arbres, et s'asseyant sur l'une des branches à quelques pieds du sol, il prit quelque chose dans la poche de son habit. Ce quelque chose était enveloppé dans un mouchoir de batiste. Il l'examina avec soin en le touchant, car il faisait trop sombre pour qu'il pût le voir, et pendant qu'il le tenait à la main, on entendit un petit craquement sec. Au bruit de ce craquement, un objet blanc passa sur son épaule comme l'aile d'un oiseau, et le quelque chose lui fut arraché des mains. Il se leva, et se retournant, il saisit à la gorge un homme qui se tenait derrière lui. « Rendez-le-moi » dit-il d'un ton furieux à l'important qui n'était autre que son ami le major Granville Barney. « Sous aucun prétexte, mon cher ami. En avez-vous un autre? Qu'est-ce que cela vous fait, stupide enfant? Avez-vous un autre pistolet, oui ou non ?» dit le major de la voix la plus agréable. « Non. »« Bien, mon cher Arthur, alors asseyons-nous tous deux sur cette branche qui forme une excellente causeuse et expliquons-nous tranquillement. » Le capitaine Walsingham s'assit en face du major sans dire un seul mot. « D'abord, nous allons ôter la charge de cet affreux joujou, » dit le major Varney en mettant la balle dans sa poche. Et en éparpillant la poudre sur le sol. Puis nous allumerons nos cigares et nous causerons affaire. » Il tendit à Arthur Walsingham un étui à cigares et une allumette. Les allumettes jetaient une lueur rouge sur les figures des deux hommes. Le capitaine était pâle comme un mort, le major toujours calme et souriant. « Et maintenant, cher Arthur, que signifie tout cela ?»« Quoi ?» murmura le capitaine. « Le pistolet chargé. Fou, enfant. Supposez-vous que je n'ai pas deviné ce que vous vouliez faire ?» « Pensez-vous que je n'ai pu le voir, le lire sur votre visage pendant le dîner ?»« J'ai entendu le pistolet heurter votre chaise quand vous vous êtes levé pour ouvrir la porte à ces dames. »« En vous voyant sortir du salon, je savais ce que vous alliez faire et 5 minutes après, je vous suivais. »« Faux enfant, naïf enfant, qui ne voit pas son propre intérêt, ingrat envers ses amis, pauvre garçon. »« Le rire joyeux du major résonnait sous l'arche sombre quand il laissa glisser le pistolet dans la poche de son habit et qu'il aspira quelques bouffées de fumée. Le cigare du capitaine Walsingham brûlait doucement, tandis que le fumeur conservait une attitude d'abattement, appuyé contre le tronc de l'arbre. Le major était assis à l'autre extrémité de la branche et berçait doucement sa botte vernie sur son genou. « Voyons, Arthur, ai-je été désagréable ?»« Je pourrais commencer cette conversation en vous reprochant votre ingratitude, mais je hais les reproches. Je passe donc par là-dessus, et j'arrive à votre bêtise, Arthur. Vous vous êtes rendu ridicule. » Le capitaine ne répondait rien. Après un moment de silence, le major continua. « Vous êtes un niais, Arthur. Ou vous me demanderiez comment ? Mais peu importe. Je vous pose la question pour y répondre. Je me mets à votre place, Arthur Walsingham, et je me demande comment, moi, Arthur, je me suis rendu ridicule. D'abord, mon cher ami, vous avez commis la faute terrible, mais extrêmement commune, de croire qu'il était possible de profiter des services d'un homme beaucoup plus intelligent que vous, tant que ces services vous étaient nécessaires, et de repousser cet homme, beaucoup plus intelligent que vous, aussitôt qu'il vous serait possible de vous passer de son aide. » Le bruit de la pluie tombant sur les feuilles fut encore le seul qui répondit au major Granville Varney. « Il y a quelques années, Arthur, vous étiez dans un embarras tel que, sans le secours d'un ami dévoué, il est fort peu probable que vous vous en fussiez tiré. »« C'est vrai, » dit le capitaine. « Cher ami, si vous voulez seulement cesser de bouder, nous resterons aussi bons amis que par le passé. » Donc, l'ami vous aida et par lui, vous sortîtes de vos embarras. Comme on devait s'y attendre, un vif attachement survint entre vous et l'ami en question. À Calcutta, on commença à parler de Damon et Pythias. C'était quelque chose de plus que de l'amitié. C'était une association mystérieuse et maçonnique que la mort seule pouvait rompre. N'était-ce pas ainsi, Arthur ? Si vous voulez dire que nous avons été utiles l'un à l'autre, je réponds oui, fit le capitaine. Mais vous n'en direz pas davantage, peu enthousiaste Arthur. Eh bien, alors, nous nous fûmes utiles l'un à l'autre, éminemment utiles, et nous aurions pu continuer ainsi pendant bien des années heureuses. Tout à coup, un matin, sans rime ni raison, le capitaine Arthur Walsingham quitte aussi tranquillement le service de la Compagnie des Indes que s'il sortait d'un café. Au lieu de consulter son ami, qui lui conseillait d'attendre tranquillement qu'un officier d'un grade inférieur achetât son brevet de capitaine. Peut-être eussiez-vous voulu qu'il attendît tranquillement qu'on lui dise qu'il ferait mieux de quitter le service, n'est-ce pas, major ? Dit le capitaine avec un rire moqueur. Arthur, vous êtes fou ! Donc, au lieu de prendre conseil d'un esprit supérieur, oublieux de tous les services passés, ingrat, sournois et défiant, ce pauvre garçon quitte le service et s'embarque sur un navire pour l'Angleterre. Voilà tout ce que son ami dévoué peut apprendre sur son compte en revenant d'une excursion dans la montagne quand il le trouve parti. « Oui, vous aviez perdu votre instrument, major. »« J'avais perdu mon instrument, Arthur. Comment pouvez-vous présenter les choses sous un aspect aussi peu délicat ?» dit le major avec un accent de mâle indignation. « J'avais perdu mon ami, mon élève, mon compagnon, mon Damon. » Je fis prendre des renseignements par un ami en Angleterre. On vous avait vu débarquer à Douvres, mais depuis on ne vous avait plus aperçu. En un mot, je n'avais plus rien à faire qu'à me soumettre et attendre. Le rusé renard m'a glissé des mains, dis-je. Le mieux est d'attendre mon tour. Et aussi vrai que je m'appelle Granville Varney, je le rattraperai. En parlant ainsi, il posa légèrement ses deux mains de femme sur l'épaule du capitaine. Si léger que fût ce contact, Arthur Walsingham plia sous lui comme il aurait plié sous 1000 livres de fer. Je le rattraperai. « Me suis-je dit, » continua le major, « qu'il se cache n'importe comment, et où il le voudra, je le rattraperai. » Et je l'ai fait comme je l'ai dit. Il eut un grand rire de triomphe, se frotta doucement les mains l'une contre l'autre, et jeta à travers l'obscurité un regard scrutateur de ses yeux bleus brillants sur la silhouette indécise du capitaine. « J'obtins une permission et je quittai l'Inde, » continua-t-il, en parlant rapidement et en s'échauffant. J'ai couru dans toutes les maisons de jeu de Londres, dans toutes les tavernes de chaque comté de l'Angleterre. J'ai pris mes renseignements partout et auprès de tout le monde, et après une recherche infatigable, après 1000 mortifications, 1000 désappointements, j'apprends enfin ce matin à l'hôtel du vaisseau à Brighton qu'un certain capitaine Walsingham a épousé la riche veuve de Sir Reginald Lessell, baronnet, et réside à Lesslewood Park. « Votre visite n'est donc pas due au hasard ?» demanda le capitaine. « Mon cher Arthur, Pensez-vous que si j'avais laissé le cours de mon existence se diriger par le hasard, je serais l'homme que je suis ? Non. Je savais pourquoi je venais et où j'allais, et maintenant vous pouvez le savoir aussi. Je suis venu pour exiger l'accomplissement des termes de notre traité. Je viens réclamer ma part dans vos gains selon notre ancien marché. Je viens soutenir mes droits établis depuis longtemps. Quel que soit le chiffre de la fortune de votre femme qui puisse vous appartenir, je réclame la moitié de cette somme. Quelle que soit la dose de fortune et de pouvoir que vous puissiez arracher à votre beau-fils, la moitié de cette fortune et de ce pouvoir m'appartient. Quel que soit le confort, le luxe, l'indolence et l'extravagance dont vous puissiez jouir, je demande à les partager. Et maintenant, cher Arthur, rentrons au château. Allez, Arthur Walsingham et compagnie, souvenez-vous que votre ancien associé marche derrière vous, bien qu'il lui plaise de rester dans l'ombre. 5 minutes après, les deux hommes avaient quitté le couvert. Un autre homme écartait les branches derrière le tronc sur lequel il s'était assis et s'éloignait sans bruit dans la direction de la grille du parc. Pâle et tremblant, Arthur Walsingham s'avança dans l'avenue, puis traversa le pont et les jardins. Un condamné à mort, gravissant les marches de l'échafaud, aurait marché comme il marchait et regardé comme il regardait, tandis que le bourreau, qui quelquefois aide l'infortuné à monter à l'échafaud, aurait assez ressemblé au brillant major qui suivent de près son ami en tenant une main légèrement appuyée sur son épaule. Même dans la gracieuse pose de cette main délicate, il y avait quelque chose du mouvement de l'officier de police qui vient d'appréhender sa victime, quelque chose qui disait plus clairement encore que les paroles mêmes du major : « Pris, Arthur Walsingham, tu es pris ».